Tu secoues tes jambes sur le pas. La la la, la la la. Tu secoues tes jambes sur le pas. La la la, la la la. Et tout le monde te regarde. Oui, tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde. Tu secoues tes jambes sur le pas. La la la, la la la. Tu secoues tes jambes sur le bar. La la la, la la la. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde te regarde.